les ballons. Un petit noir regarde un marchand de ballons dans la rue. Ses yeux brillent. Il y a des ballons de toutes les couleurs, rouge, bleu, blanc, noir, jaune. Le vieux monsieur qui vend les ballons vit le garçon hésitant. Puis, prenant son courage à deux mains, s'approcha de lui. Dis, monsieur, est-ce que les ballons noirs volent aussi haut que les autres ? Le vieux monsieur a presque les larmes aux yeux. Regarde, il lâche tous ses ballons qui s'envolent en grappe et monte dans le ciel jusqu'à disparaître. Tous, tellement ils sont hauts. Tu as vu ? Oui. Est-ce que les ballons noirs sont montés aussi haut que les autres ? Oui, monsieur. Tu vois, mon garçon, les ballons, c'est comme les hommes. L'important, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas l'extérieur. Non. L'important, c'est ce qu'il y a en eux. C'est ce qu'il y a en toi qui fera toute la différence dans ta vie.